Thank you. croyais que tu m'entendais pas, j'avais muté, mais ça a rien muté du tout. Se chercher des sons. Mm-hmm.